Mais quand, pour nous autres, ils peuvent rien faire parce qu'à cause de notre égo. Ouais. Ah, c'est pour ça qu'on a besoin d'une instruction pour que les autres nous disent, bon, mais ça marche de même, là. Comprenez ça, là? Partez de là. Après ça, là, ils peuvent commencer à faire en relation avec nous autres plus tard. Mais pour nous autres, ils peuvent rien faire. Parce qu'ils sont anti-égo. Mais contre nous autres, ils peuvent faire tout. Ça veut dire contre notre égo. Pour nous amener éventuellement à ce qu'on participe vibratoirement à leur énergie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est là le jeu de l'initiation solaire.